j'atterris. On ne guérit pas d'être un aguerri. Assis sur Mars quand c'est la félie. Je déserte quand c'est la folie. La game est Rick DeAntis. Mood à la Rick Sanchez. Une autre brique dans le mur. Un autre cri dans le parquet. On oublie mes traits à mon accent. Je veux déranger mais je suis absent. On nous a fait croire en cet ensemble. Maintenant la planète est en sang. Désobéis, désobéis. Des études, désobéis. Ma tristesse laisse passer le temps. Sans laisse pour laisse passer le temps. Je veux l'audace de Satana. Pas la quiétude du Vipassana. Prendre les dieux par les cornes. Comme une scène dans Baraka. Je suis un embarras pas baraqué. Je déteins, je veux être distinct. J'aurais déjà choisi d'arrêter. Si j'étais pas déjà à mi-chemin. Souffle les bougies, prie au ciel, prie au ciel. Double les paris, isocèle. J'suis aussi sale que ce qui trigger mon dédain. Manhattan oublie qu'il est humain. J'ai cru être au-dessus de tout. Tu peux me remercier de rien. J'suis pas un rapper, j'suis une escorte. Les gars fuck avec mon penso. Mes verses comme sex work. Piss drunk sur la seltzer. Yes sir, lemon flavored. C'est sûr, j'ai le mordant d'une morsure. Pis syndrome de l'imposture. Fuck toutes vos costumes. Veston, cravate, formule. J'ai le fond, la forme. En plus d'avoir la formule. Numéro 1 comme la formule. Comment tu veux que je le formule? Son cast up, moi j'ai le pepto. Grosse graine depuis le perso. Une grosse bite en orbite. Comme Jeff Bezos dans son vaisseau. Opposé pas là du verso. Une bête de cercle dans un cerceau. Perso, ceux qui manifestent à la cage. Ben qui déménagent comme les expos. Pour cash mes boys faut du réseau. Dans le backwood j'ai mis 5G. Ben gelé comme Marianne, singelet. Singerie, j'suis timbré. Man bouge avec les 5G. Fuck Saint-Jérôme, j'ai pas de 5G. Autant peu qu'une lanterne ou ben une antenne de 5G. Molly pop est fini premier comme à pop. J'ai ma propre sauce pis leur papé. Trouve ça pas pire, on a hotbox et le cockpit. Houston, do you copy? Finna blow up comme un kamikaze. Pop le champagne, call me poppy. Big brain, j'ai le sloppy toppy. Rick James, I'm in love with Mary Dam. Des fois j'vois son corps nichon comme dans Rick and Morty. Favorite Martian, Tiggle Biddies. Evil bidding, même on spitting comme nos Bennett. Ça aucune limite, dans plein genre de shit que aucun émite. Un doigt d'honneur, ton rectum mérite. Un doigt dans l'œil, conjonctivite. Mon friend, j'ai ta soeur, premier ministre. J'suis ben trop rigide, ils ont tous les honneurs, aucun mérite. Comme un crit avec un condom qui vibre. Ou un colon qui découvre l'Amérique.